3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Bref. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Bienvenue sur le rendez-vous hebdomadaire où on décrypte toute l'actualité de la planète Orange and Blue sur KNF TV. Avenix Week, c'est votre rendez-vous du lundi 18h30. Un lundi un peu spécial, MLK Day, bah oui, il y a un match en soirée. Donc pour bien commencer la semaine, un bon épisode de KNF TV où on parle des Knicks en francophone avec mon ami Choubix. Ça va Seb ? Eh ben écoute, parfait, hein, on débute la semaine par un joli match, comme t'as dit, à 21h, donc ça c'est cool quoi. On va voir si Orlando est toujours Magic ou pas, ça on va voir. En attendant, on va faire un petit retour, un petit flashback sur tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Et comme vous le savez, à chaque fois, il y a beaucoup de choses à raconter, donc on perd pas plus de temps, on envoie le petit jingle et on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière pour l'épisode 74 de Avenix Week. Allez, c'est parti. Alors vous le savez maintenant sur KNF TV, sur Avenix Week, on décerne le Knicks of the Week by KNF TV. Et bien la semaine dernière, la NBA a décidé de décerner un prix, un award, à Jalen Brunson. Et oui, nouvelle fois Player of the Week dans la conférence Est. Forcément de bons résultats côté New York, forcément de belles stats côté Jalen Brunson. Il n'est pas encore All-Star, on espère, on vote, on fait tout pour. Mais en tout cas, la NBA a reconnu que le joueur était plutôt performant et avec un bilan qui était 100% de victoire sur la semaine 11, bah, cette semaine, la semaine d'avant, hein, vous avez compris. Et bien voilà, Jalen Brunson fait le doublé cette année, cette saison, sur ce début d'année 2024. Lui plus Julius Randle, ça fait déjà pas mal de Knicks, hein, on dit jamais 203. Bah voilà, ça y est, on a au moins eu 3 awards dans la conférence Est. C'est pas des joueurs du mois, c'est des joueurs de la semaine, mais c'est plutôt pas mal, Seb. Je sais pas ce que t'en penses. Oh bah oui, bah carrément, bah ça vient couronner quand même pour un très beau mois, enfin une très belle semaine de Jalen Brunson. Donc c'était mérité, hein, surtout qu'on a fait, on était sur une série de quatre victoires. C'était oui, pas à l'époque. Donc, c'était totalement mérité. Hein, ça, on a bien vu, on en reparlera, que Jalen Brunson est important dans l'équipe, quoi. Oh oui. Oui, oui, effectivement. Est-ce que c'est le moteur? Est-ce que c'est l'All-Star? Est-ce que c'est la star? Est-ce que c'est le franchise player? Voilà. Est-ce que c'est un All-Star? Eh bien ça, ça va être à vous de faire le nécessaire pour pouvoir transformer ce rôle. C'est bien d'être joueur de la semaine. Alperen Şengün, c'est comme ça qu'on dit, côté Houston. Lui, sera-t-il All-Star? On verra. Ça concernera la conférence Ouest. Nous, on va surtout se concentrer sur la conférence Est. C'est pas tant le match qui nous importe, c'est plutôt la reconnaissance des joueurs. Et il y a eu le dernier décompte des votes des fans. Donc visiblement, il y a une petite piqûre de rappel qui n'a pas fait de mal, puisqu'on voit maintenant deux joueurs des Knicks, dans le résultat des votes, dans le top 10 des votes. On le rappelle, un concours de popularité avant tout, le vote des fans. Et Julius Randle vient s'immiscer en top 8 pour, au niveau des joueurs intérieurs. Enfin, effectivement, même si c'est pas le joueur le plus sexy du monde, le plus fort en highlight, le plus clivant, ça peut-être. Non, mais que Kyle Kuzma était devant lui dans la liste, si tu veux. Oui, on peut se demander un peu s'il y a vraiment une si grosse fanbase que ça à Washington et s'il y a une si petite fanbase que ça côté New York. Il y a un peu de rééquilibrage sur le dernier décompte. On verra, il y en a un à peu près par semaine, je crois, en ce moment. Donc, tous les jeudis, c'est ça. Donc on aura le prochain décompte, on verra si Julius a un petit peu grappillé quelques places, si au contraire il stagne, ou au contraire, est-ce qu'il ne va pas disparaître de ce top 10. Jalen Brunson, lui, reste confortablement installé en top 6 au niveau des joueurs du backcourt. Il y a de la concurrence, hein. Ça va être compliqué d'aller chercher une place de titulaire, clairement. On espérera que les coachs vont permettre de rééquilibrer un petit peu tout ça. Titulaire, je pense que ça va être compliqué. Par contre, moi, j'y crois de plus en plus à deux All-Stars pour New York. À deux All-Stars cette année? Oh, ouais, j'y crois. Pour ça, Pour ça, il va falloir continuer de voter quand même. Faut pas mollir pour autant. Chaque jour, vous pouvez voter. Il y a des jours qui comptent double, triple. Voilà, donc profitez-en. Mettez les Knickerbockers en avant. Et puis on verra lequel, que pense des lesquels maillots, vont là, porter qui ces maillots. Qui ont liqué. Eh bien écoute, on est dans la thématique des rayures. On est dans la thématique des rayures. C'est assez sobre, je trouve. Bah, pas si mal. En fait, les rayures comme ça fait un rappel des Indiana Pacers. Des années 90, quoi. Donc, c'est un petit clin d'œil à leur ancien maillot. Ouais, je le trouve propre. Je le trouve assez vintage, un peu. Tu vois, il faudrait ouais, des converses au pied. Ça irait parfait, quoi, tu vois. Donc, alors, les converses au pied, on va peut-être éviter, hein, si on veut pas avoir de risque de blessure. Mais effectivement, il y a un petit côté vintage et un petit côté... clin d'œil par rapport aux couleurs des Indiana Pacers qui ont porté des rayures pendant un bon moment, un peu moins maintenant. Et puis on est aussi dans les rayures qu'on retrouve sur le dernier City Edition d'Enix. Donc non, ça rend plutôt pas mal. On est assez cohérent. Et puis rouge, bleu, bon bah voilà, c'est des couleurs qu'on a eu l'habitude de voir côté Est-Ouest quoi. Ouais, et on revient justement sur cette confrontation Est-Ouest. Donc il y a peut-être ce petit clin d'œil, ce petit côté vintage rétro. Donc voilà, donc est-ce que Jalen Brunson aura son maillot de All-Star? Est-ce que Julius Randle l'aura aussi? Est-ce que Randle l'aura mais pas Jalen Brunson? On va le savoir assez vite maintenant, parce que ça approche hein, ce mois de février. On va le savoir. Bon, en attendant, il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc dans notre hexagone. Alors les Knicks n'étaient pas concernés cette saison. A priori, l'année prochaine non plus pour les quoi, deux matchs. C'est les amis de côté de Canal qui ont fait quelques fuites, quelques leaks. Ça parle des Indiana Pacers, tiens donc, ça parle des Spurs, tiens donc, comme par hasard. Mais il y avait un match dans la capitale, le Paris Games, la semaine dernière, les Nets, l'autre équipe de New York, comme on aime l'appeler, maintenant qu'ils ont déménagé du New Jersey depuis quelques saisons, et les Cleveland Cavaliers, d'un certain Donovan Mitchell, qu'on aimerait pourquoi pas voir arriver à New York. Ils sont venus faire un petit peu l'événement dans notre capitale. Alors, on n'y était pas cette saison, on y était les saisons passées. Bon, c'est toujours un événement intéressant de voir la NBA qui vient dans notre pays, dans l'Hexagone. Il est reconnu que c'est un marché qui compte aux yeux de la NBA, aux yeux d'Adam Silver. Donc, un jour, peut-être, qui sait? On croise les doigts, on touche ce que vous voulez. Peut-être qu'un de ces jours, on verra les New York Knicks débarquer avec une franchise qui compte des All-Stars, avec une franchise qui est de plus en plus crédible en termes de résultats. Pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas? En tout cas, ce n'était pas un gros match. Non. Mais on aimerait bien voir les Knicks. Après, tu disais que c'était Canal. C'est pas tant Canal. Hein. Je veux dire, si vous avez un secret à confier, surtout, ne le confiez pas à un ancien joueur de l'équipe de France de basket. Parce que légende NBA. Au début, en fait, on a Adam Silver qui nous dit « Voilà, on voudrait instaurer justement un match à Paris, faire une sorte de tradition en hiver, de venir. Pour l'instant, c'est un pourparler, mais c'est vrai qu'il y a quand même un marché. » On est quand même assez vague, on te laisse penser que peut-être que ça va revenir, mais pour l'instant, Adam Silver ne se livre pas. Interview de Tony Parker avant le match. Ah, et puis en plus, là, c'est chouette, parce que l'année prochaine, deux matchs. Ah bon? Okay, ouais. Oui, et puis les Spurs, super. Ah, d'accord. Et puis Yann Maimi, ah, vous êtes pas... En plus, lui, ah, vous n'êtes pas au courant, parce que ce sera les Indiana Pacers. Ah, oui, il a joué pour les deux franchises, donc... Oui, bon, visiblement, le secret n'est pas hyper bien gardé, voilà. Donc, surtout, soit, si vous voulez que ça se sache, bah, vous en parlez à un ancien joueur de l'équipe de France, et si vous voulez pas que ça se sache, surtout, vous leur en parlez pas, parce que le secret, ils le garderont pas. Donc, voilà, c'est... Donc en juillet, quand tombent un petit peu les infos... Si on est au courant qu'il y a deux matchs en back-to-back Indiana Spurs, voilà, faudra pas s'étonner. Non, faudra pas s'étonner. En tout cas, voilà, l'affiche n'a pas forcément fait rêver grand monde. Un match un petit peu particulier, une semblante blow-out en début, un petit peu un match qui revient sur la fin. Oh, c'est ça aussi un match NBA, en fait. Oh là là. Ouais, mais c'est ça aussi un match NBA. Sur 82 matchs, tous ne sont pas des matchs de haut niveau. Hein. Oui, mais là, tu imagines, les Nets, ils ont marqué... 34 points, je crois que c'était ça. 34 points à la mi-temps. Non, le match était parti. On m'a dit que les Nets, ils avaient une belle équipe, un effectif. Ouais, bon, bref. Après, l'équipe était. Après, le match était quand même des matchs où on en voit. On regarde les Knicks, on voit autre truc. Celui-là, hormis au quatrième quart-temps où ça s'est réveillé, Les pourcentages étaient horribles. Les pourcentages au shoot étaient horribles. Enfin, si tu voulais faire découvrir la NBA à quelqu'un et dire, tiens, c'est le match de Paris, machin, et qui regarde ça, il faut, mais en fait, c'est normal, tout le monde fait des briques. Oui, c'est normal. Donc, voilà. Non, le quatrième quart-temps était mieux parce que c'est un peu revenu. On s'est dit, ah, peut-être que, mais pas du tout, parce qu'après, derrière, il y a Donovan Mitchell qui a mis le couvert, qui a dit, non, mais en fait, les paillettes, elles sont pour moi. Mais le match en lui-même était pas ouf du tout. Je l'ai regardé parce que ouais. Voilà. Mais le match était pas ouf du tout. Ça reste un événement dans notre hexagone. Faut savoir en profiter. Et après, la qualité des matchs, on le sait, des fois. Ah, faut savoir en profiter. Faut savoir en profiter. Je veux partager sur la question. Parce que entre. Bah, c'est-à-dire que t'as 15 000 places environ. T'en as beaucoup qui partent tout de suite, c'est-à-dire les places abordables pour le grand public partent immédiatement. Entre ceux qui en achètent et ceux qui achètent pour revendre. Parce qu'après, derrière, tu regardes sur le bon coin, tu regardes sur le truc, les gens qui veulent spéculer, donc ils en achètent une dizaine. Et puis au final, ils essaient de faire monter les prix, ça marche pas. Donc à la fin, ils te bradent tout ça. Plus après un rendez-vous un peu, voilà, toutes les invites qui sont données à droite à gauche. Ouais, c'est un rendez-vous, mais je suis partagé sur la question. Quand j'entends, ah ben vous voulez que ce soit en Angleterre, vous voulez que ce soit en Allemagne, Il y a ça aussi. Attention à ne pas faire la fine bouche, parce qu'effectivement, c'était à Londres il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a d'autres pays, l'Espagne, l'Allemagne, qui aimeraient attirer ce cirque qui est la NBA. Ça parle de business, forcément. Donc ah oui. Voilà, donc effectivement, est-ce que l'année prochaine, il y aura deux matchs NBA en Europe? Est-ce que ce sera deux matchs à Paris? Est-ce que ce sera un match à Paris, un match à Londres? Est-ce que ce sera un match à Paris, un match à Munich? On ne sait pas, à voir. Mais en tout cas, voilà, ne boudons pas notre plaisir pour ceux qui ont l'occasion d'y aller. Effectivement, après, on peut ne pas être pour l'une ou l'autre équipe. Ici, vous le savez, on est pour les Knicks, donc les Nets. On aurait bien aimé qu'ils gagnent pour nous faciliter les choses au niveau du classement de la conférence Est. Mais voilà. Les Knicks, attends, cherche-moi. Nous, hein, c'est New York. C'est New York, mais les vrais Madison Square Garden. Bon, bref, on a beaucoup parlé de ce match. Faut qu'on parle aussi d'un autre événement. On a trop parlé de ce match. Oubliez tout ce qu'on vient de se dire. Ce qui est important maintenant, c'est le 27 janvier, à partir de 20h30, au Hideout, la prochaine KNF Viewing Party. Oui. Et là, on aura des Knicks. Et là, on aura du Miami Heat. Donc voilà, sauvez la date, save the date, comme on dit. Et on vous donne rendez-vous nombreuses et nombreux le 27, à la fin du mois, dans deux semaines, pour faire une bonne Viewing Party. Comment c'est le faire dans un espace privatisé qui attend les membres de l'association. Et puis leurs invités, bien entendu. Bon, ça c'est le retour de la NBA en France, le retour des événements KNF à Paris, et il y a aussi un retour qui va se faire. Alors le retour, c'est pas Isaiah Hartenstein, ça serait, selon la NBA et les Knicks, plutôt le retour de Mitchell Robinson. Oui, Mitchell Robinson qui était dans un premier temps annoncé out toute la saison, et bien semble-t-il, la NBA et les Knicks sont plutôt confiants pour un de ces retours d'ici la fin de la saison ou les playoffs, et ils n'ont pas accordé cette fameuse trade exception pour lever quelques millions de dollars de disponibles dans le salary cap. Donc à voir si, quand, dans quel état Mitch Robinson revient. En attendant, on a un Isaiah Hartenstein qu'on avait gratifié du titre de Nick of the Week la semaine dernière sur KNF TV dans l'épisode 73, qui nous fait très bien le remplacement, très bien l'intérim, à voir combien de temps ça dure. Moi, je suis sous le charme. Certains même commencent à se demander s'il ne faudrait pas trade Mitchell Robinson. Bon, Blockenstein. On va regarder pour le moment. Isaiah cas, Blockenstein, quoi. Blockenstein, Hartenstein, Rebondenstein, 20 Rebondenstein, comme vous voulez. Il nous fait beaucoup de belles choses en ce moment. Et là où on pouvait craindre une défaillance au niveau du poste de pivot, bah, il n'en est pas du tout question en quel ce coup, moment. Quand même. Quel coup à la Free Agency, ce type-là, quoi, de Leon Rose, d'aller le chercher, tout le monde était là, ouais, bon, qu'est-ce que c'est que cette signature? Après, en effet, c'était Kevin qui écrit aussi pour la KNF, qui m'avait fait remarquer que quand il est arrivé, il était un peu blessé à sa cheville. Parce qu'au début, on a été un petit peu dur, et puis quand finalement cette blessure s'est résorbée, ben, il a commencé à trouver son rythme en backup. Cette année, il a pris plus d'envergure, et avec la blessure de Mitch, bah, il s'est révélé, voilà, comme étant le titulaire, quoi. On a complètement oublié Jericho Sims parce qu'on s'est aperçu que bah, il y en avait un, c'était un basketteur et pas l'autre. Et en fait, Isaiah Hartenstein, attention, parce qu'il va y avoir des équipes cet été qui vont mettre l'oseille. Hein. On Il va a falloir les payer, pistes. il va falloir passer à la caisse. On a les Pistons qui font du nettoyage dans la masse salariale. Moi, je les vois bien faire une petite dinguerie pour Isaiah Hartenstein. Hein. Attention, en juillet. Attention au mois de juillet. D'ici là, d'ici juillet, qu'est-ce qu'il y a comme mois? Il y en a plein, mais il y a le mois de Il y a février. Le mois de avril, il y a février. mai, Il y a juin pour les finales NBA. Non, il y a surtout le mois de février qui va nous importer par rapport à la trade deadline. Alors, il y a beaucoup de noms, beaucoup de rumeurs, des joueurs qui sont selon différents insiders, différents journalistes, plus ou moins informés, sachant que les Knicks ne discutent pas tellement. Hein, Léon Rose est plutôt très secret sur ses mouvements. Voilà, des Knicks qui auraient plusieurs joueurs dans les viseurs. Dernière rumeur en date, Gordon Hayward. Bon, à voir. Du côté de Charlotte, la saison, elle est plutôt mal partie. Du côté d'Atlanta, également, c'est plutôt mal parti. On parle de Dejounte Murray, mais Dejounte Murray, bah voilà, ils étaient intéressés, les Hawks, pour un certain Emmanuel Quickley, qui n'est plus un Knicks, qui est parti aux Raptors. Donc ça va être compliqué maintenant de venir le mettre dans la balance commerciale pour un échange. Mais voilà, on peut s'attendre à des mouvements, on l'avait dit. Taj Gibson a été coupé. La trade exception pour Mitchell Robinson ne sera pas accordée aux Knicks, donc un peu moins de flexibilité, on va dire ça comme ça, dans le cap pour absorber des salaires là à cette mi-saison. Voilà, on va encore rester vigilant. On ne sait pas, peut-être qu'un épisode inédit, un épisode breaking news va tomber avec une Wash Bomb ou une Shams Bomb. Il nous On faut un essaiera mec d'être quand il arrive. réactif. Est-ce qu'il nous faut plutôt quoi? Il nous Sans faut forcément donner de nom, un intérieur, un un extérieur, extérieur, un titulaire, un remplaçant? un extérieur créatif ou un extérieur explosif qui peut se créer son shoot. Sans vouloir parler de défense, Quickly pouvait se créer son shoot et avait cette capacité à sortir et à scorer rapidement. Il nous faut ça. Il nous Un apport faut offensif en sortie de banc. complètement. En ligne arrière. Voilà, donc Complètement. si vous avez des noms, un apport offensif en sortie de banc sur les lignes arrière, on est preneur de vos noms en commentaire. Peut-être que c'est un nom qu'on a déjà vu passer, peut-être que c'est un nom qu'on n'a pas vu passer. En tout cas, si on dit un apport offensif sortie de banc, ligne arrière, bon, bah déjà on peut Alors rayer le nom attention, de hein, Dejounte Murray, on parle pas alors tout d'une d'un star, hein. titulaire. On parle d'un role player, on parle d'un mec qui déjà a ce rôle-là dans une autre équipe qui sort du banc. Ça va être en règle générale, ça va être dans une équipe qui est en Qui va fin pas de très bien. classement, ou voilà, ou une équipe qui peut être criblée de blessures et finalement bah, le projet tombe un peu à l'eau, donc ils vont devoir un peu vider des joueurs pour forcément. Hein, pour tanker, pour essayer de choper un meilleur choix possible. Donc, à voir. Par contre, ce que j'ai pu lire, tu sais, c'est que on a des choix, ou on a un choix, ou plusieurs, des Pistons. Et ces choix sont, sont bloqués. Sont, comment dire, pas bloqués, sont... Vont revenir aux Knicks en fonction Non, des bah, trades bref, qu'ils vont avoir à tout ça faire pour et dire ouais. que on a des assets à eux. Et il serait susceptible de vouloir peut-être les récupérer. Donc, peut-être à payer un peu plus pour essayer de récupérer leurs propres choix. Donc, peut-être Bah, qu'il y aura du deal avec Détroit, faudra regarder. vu leur saison mal entamée, effectivement, il y aura peut-être un peu affaire à faire avec les Detroit Pistons. Affaire à suivre. En tout cas, on va essayer d'être vigilant. Il y aura beaucoup de choses sur les réseaux, sur rester à l'écoute, et puis nous, on essaiera d'être réactifs s'il se passe un mouvement encore d'ici la trade deadline. Bon, des mouvements ou des choses qui ont fait réagir, il y en a eu pas mal dans les médias. On a eu RJ Barrett, ça y est, qui s'est exprimé un petit peu sur son départ de New York. On sent un petit peu d'amertume, on sent un petit peu de tristesse, que sais-je, comment qualifier ça, vis-à-vis de son départ. Il a notamment indiqué que, bah voilà, il partait de New York après quelques saisons passées, après avoir été drafté, mais qu'il laissait l'équipe dans un meilleur état que dans l'état dans lequel il a trouvé les Knicks. Alors bon, ça a fait réagir, ça a fait réagir différentes personnes. Certains vont lui accorder effectivement un fait que, bah oui, les Knicks, maintenant, on parle d'une équipe playoffable, on parle d'une équipe qui est en positif depuis plusieurs saisons. Est-ce que c'est du seul fait de RJ Barrett? C'est un petit peu se tirer la couverture vers lui. Je trouve un peu forcé le garçon. Il y a d'autres joueurs qui ont notamment ce mérite. Est-ce que Herjee Barrett a été le grand artisan de ce renouveau d'Enix? Visiblement, au regard d'un certain Carmelo Anthony qui s'y connaît, qui s'y connaît vis-à-vis de New York, c'est pas le cas. On parle plutôt d'un joueur qui est moyen, qui n'est pas impactant. Bon, voilà, il y a des règlements de compte entre anciens Knickerbockers par médias interposés. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette sortie RG, cette sortie de Melo sur son podcast Comment tu as trouvé ça? La sortie de Melo, j'en pense rien. Parce que entre ça et puis par rapport à Denver, donc j'en pense pas grand-chose. Après, je trouve que ça manque peut-être un peu d'humilité. Surtout au regard de ce qu'a fait son compère de trade. À dire oui, je laisse l'équipe. On a l'impression, allez, les enfants, papa s'en va, mais je vous laisse dans cette belle maison que j'ai construite moi-même de mes propres mains. Oui, RG, t'as fait partie de l'équipe. Maintenant, t'as fait partie de l'aventure, mais est-ce que maintenant, t'es plus artisan? Maintenant que la première année, quand on va en playoff, j'ai l'impression pourtant que ça a été Julius qui a été All-Star et MIP qui nous a porté sur son dos toute la saison. Et qui a été All-NBA aussi. L'année dernière, quand on va en playoff, j'ai l'impression qu'il est pourtant bien secondé par un Jalen Brunson fantastique, tu vois, et que encore une fois, Julius a été All-Star et que Jalen aurait pu l'être. Par contre, lui, il n'a jamais été dans la discussion d'All-Star. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur, ouais, c'est un bon joueur. Mais c'est pas un grand joueur. Et c'est pas. Il a contribué, mais c'est pas le plus haut taux de pourcentage, quoi. Voilà, c'est. Je pense quoi. Un artisan, mais pas le plus grand, pas l'employé de l'année. Dans le big three des Knicks, disons que le camembert il est pas partagé de façon équitable quoi en trois, hein. Donc voilà. Il faut bien se rappeler le nombre de fois où il n'a pas terminé les matchs parce qu'il disparaissait. Il faut se rappeler. Oui, je pense que c'est aussi une façon à lui de se réconforter, de ne pas perdre la face en disant putain, j'ai été trade quoi. De se dire voilà, bon ben oui, j'ai été échangé, mais voilà, vous avez vu avant l'équipe comment elle était, ben maintenant quand je suis pas, l'équipe elle est mieux parce que quand même j'ai été fort quoi. Si tu veux. Ouais. Si tu veux, ça console. Il y a un peu de ça. Essayer de redorer, de refaire un peu, le réécrire l'histoire, tout à fait. Un qui a donné sa version des faits, c'est son compère, effectivement, Emmanuel Quickley. Donc là, on est sur vraiment deux réactions différentes. C'est plutôt une longue lettre qui est parue dans Players Tribune, qu'on vous invite à lire. Franchement, une très belle lettre. Où il revient sur la façon dont il a appris son trade, parce que ça reste des hommes. C'est un business, certes, c'est une carrière NBA, certes. Mais voilà, la façon dont il a appris son trade, les personnes qui l'ont contacté, un certain Julius Randle, un certain William Wesley, un certain Johnny Bryant. Finalement, il est plutôt reconnaissant vis-à-vis de tout ce qu'il a pu obtenir via son passage à New York. Une très belle lettre qui s'appelle Dear New York, qui est un petit peu longue, mais qui est plutôt tout en humilité, tout en reconnaissance. Oh. Là où, voilà, sur RG Barrett, on était plutôt sur une sorte de sentiment d'amertume ou de vouloir une reconnaissance qui ne lui est pas due. Là, c'est plutôt Emmanuel Quickley qui est reconnaissant de ce qu'a pu lui apporter New York, de l'amour que lui a apporté la ville et ses fans. Donc plutôt une belle lettre. Ouais, très belle lettre. Des fois, on peut se demander si ce sont les joueurs qui écrivent les mots d'adieu. Là, on sent quand même qu'il y a beaucoup de personnel dans ce qu'il écrit, notamment dans sa relation avec Johnny Bryant. On sent que vraiment, il y avait une vraie complicité, une vraie grosse amitié entre les deux hommes. Les petites anecdotes qu'il donne quand il parle de son match à Boston, la façon dont il parle des joueurs, de Julius. Visiblement, Julius a pas l'air d'être un si gros con que ça dans les vestiaires, puisque il en parle et il dit que voilà, que c'était son gars, qu'il l'adorait, que d'ailleurs il lui a envoyé un message quand il a été échangé. Enfin, donc visiblement Julius a pas l'air d'être le gars qu'on veut nous faire croire qu'il est. Le cancer de vestiaire. Ouais, Donc non, très belle lettre. Cette lettre m'a beaucoup touché parce que on savait que c'était un bon gars. On le sentait que c'était un bon gars. En plus, il a eu des mots, voilà, il a eu des mots pour les fans. Il a eu des mots pour sa nouvelle franchise. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est classe. C'est un mec qui est classe et c'est un type qui voilà, qu'on aimerait Qui va voir nous réussir. manquer, qui va nous manquer, qui va nous manquer, mais pour lequel on aura un œil attendrissant sur la suite de sa carrière. Bien Clairement. sûr. Très belle lettre en tout cas, à lire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Bon, autrement, allez, on le dit aussi, Tom Thibodeau a passé un cap, le cap de la 50, pas de la 50, des 500 victoires, que dis-je, en carrière NBA. Donc voilà, ça s'est pas fait dans la meilleure des confrontations, mais voilà un Tom Thibodeau qui petit à petit grappille des places dans les classements all-time des coachs NBA, pas que à New York bien sûr, 36e position. Donc voilà, d'ici la fin de saison, il pourrait grappiller encore quelques petites places dans ce classement. Voilà, il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Et R.J. Barrett voulait une part du gâteau vis-à-vis du retour à la crédibilité pour New York. Je pense que Tom Thibodeau aura aussi le droit d'en avoir une le jour où il devra partir. Ah Bon, ben, ah, oui. quoi qu'il arrive, il va se positionner comme un grand coach de New York. Hein. Alors, il n'aura pas eu le résultat d'un Jeff Van Gundy, mais je pense qu'il va quand même laisser une belle trace de son passage quand même. Hein. Voilà, Tom À Thibodeau voir, restera à voir, un à voir coach de s'il est New York. prolongé. À voir s'il est prolongé. On a eu la prolongation d'Eric Spoelstra pour une belle petite somme du côté de Miami. Alors on est sur une histoire d'amour qui dure depuis bien plus longtemps Et côté Heat, puis, on n'est pas sur le même mais palmarès non plus, hein. on n'est pas sur le même palmarès, clairement. Après, on n'a pas les mêmes joueurs non plus, on n'a pas la même ancienneté dans la franchise. Mais il y a quelques gens qui commencent à se questionner sur une prolongation ou non de Tom Thibodeau. Voilà, il faudra voir. Les questions se poseront d'ici l'été. Ben, tu Bon. sais, on parle qu'il nous faudrait des fois un joueur, il nous manque un joueur pour passer un palier. Est-ce que Tom Thibodeau et ce joueur-là et cet Ce entraîneur-là coach. pour enfin, ce coach-là pour nous amener au-delà du deuxième tour des playoffs, c'est à se poser avec toute l'affection qu'on peut avoir pour Tom Thibodeau. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir voir une autre vision des choses. Donc peut-être. Chaque chose en son temps. D'ici là, en attendant, on a eu l'intégration d'OG Anunoby et on va se pencher tout de suite sur l'effet OG. Est-ce qu'il est toujours actif? Est-ce qu'il est toujours réel? Il y avait trois matchs au calendrier de la semaine dernière. Nous avions fait nos pronostics. 2-1 me concernant, 3-0 pour toi. Bon, au final, j'ai le 2-1, mais pas sur les matchs qu'on avait réellement pronostiqués. On va aller assez vite sur ce débrief sur cette semaine. C'était pas une semaine très fameuse, tant les oppositions étaient, on va dire, assez inégales en qualité. Il y a eu pas mal de blessures, notamment à Memphis pour finir la semaine. Donc forcément, ça a perdu en intérêt, en attrait vis-à-vis de ces rencontres. Une semaine donc qui débutait par la réception des Portland Trailblazers. Bon, Portland, Formalité. qu'est-ce qu'on peut dire de ce match, quoi? Affreux. Formalité. Formalité, les Knicks ont fait le boulot avec un OG Anunoby qui a été tout de suite efficace, qui a tout de suite montré qu'il était en capacité de scorer à 3 points, à 2. Enfin, il a tout de suite apporté son apport en offensif, en attaque, là où on l'attend surtout en défense. Il s'est bien lancé, il a bien lancé le match côté New York, mais de match, il n'y en a pas vraiment eu, quoi. Portland était Oh, on les a déclassé déglingués, sur cette quoi. rencontre. C'était pas fameux à regarder, quoi. Je sais pas si tu Non. veux relever un autre point sur cette rencontre. Non, pas spécialement. On a quand même. On a encore une fois un Hartenstein à 14 rebonds. À 14 rebonds, un contre, 3 interceptions. Et en sortie de banc, on a eu un petit Miles Juice McBride. Plutôt intéressant avec 16 points à 4 sur 7 à 3 points. Il se révèle comme un shooter assez fiable à 3 points. Donc non, on a eu un beau match. Enfin, on a eu un beau match. On a eu un match voilà, où on les a éclatés et puis Beau, à la c'est fin peut-être du pas le troisième, terme, ça. mais les Knicks ont fait leur boulot, ont fait leur mission. Fallait surtout pas le perdre, fallait poursuivre cette série de victoires. On en était à 4-0, ça permet de Ouais. pousser la série à 5. Voilà, c'était un petit retour à la maison avant un mini road trip de deux rencontres. Voilà, ils ont fait le boulot, mais en face, voilà, l'adversité permettait pas vraiment de jauger l'équipe sur cette rencontre. Ouais. Un bon match et le meilleur en carrière à New York pour le moment pour Oji Anunobi. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Et puis après, comment il s'appelle, JB n'était pas en grande réussite sur ce match-là. En 12 points. Mais, 12 points, 7 ça passes. Ça suffit. À 3 sur 11 au tir, 1 sur 7 à 3 points, pas terrible. Voilà, bon, celui-là, on va passer. Derrière, déplacement dans le Texas, déplacement Dallas Mavericks. Il n'y avait pas Luka Doncic, mais il y avait Kyrie Irving. Donc le Drew était là, était bien là, bien présent. Et là, tout de suite, ça ne s'est pas passé de la même façon. Un premier quart dégoûtant, nul, loupé de la part des Knicks. 26-44. 44-26. Un des pires que j'ai vu. Quoi, de... Quand tu prends autant de points en un premier quart-temps, forcément, ta rencontre est plutôt mal entamée. Les Knicks qui ont été largués tout le long de la rencontre, qui ont toujours couru au frais le score, entre 10, 12, 15, 20 points d'écart. Et puis un comeback qui se fait sur la fin. Et un match qui aurait pu se terminer en hold-up si les Knicks avaient eu un petit peu la chance de leur côté, à croire que depuis deux saisons, en fin de match, la chance et les rebonds. Les rebonds, histoire de rebonds. Et les rebonds ne tombent plus du côté des Knicks. On a parlé de Isaiah Hartenstein, qui est plutôt bon rebondeur, c'est vrai. Bah là, sur cette fin de rencontre, c'est pas lui qu'on incrimine en particulier, mais ça s'est joué sur une histoire de rebond. On a un shoot de Dante DiVincenzo qui, dans le corner, permet de revenir à moins 1. On était à 20 points de retard à 5 minutes de la fin. Hein. On était à moins 20. On était à moins 20. Pour moi, c'était rideau. Non, mais vraiment moins 20. Parce que je regarde à moins 20, j'ai tweeté moins 20. Enfin, parce que j'étais tellement dégoûté, quoi. Je dis, bon, allez, c'est bon, c'est fini. Et puis l'équipe. Ce match, en fait, c'est la définition même que un match de basket dure 4 quart-temps et pas que 1. Et pas que le dernier. La première mi-temps, et on passe au travers, hein, 44-26, 30-29. Ensuite, on gagne les deux suivants, 31-27, 38-27. Mais c'est trop tard, hein. On met trop d'influx pour venir. Et puis après, il y a ces rebonds-là où ils récupèrent finalement, on se retrouve à moins 4 à 25 secondes. C'est fini. La prise à deux de OG sur Kyrie qui décale pour Green qui venait de louper juste avant et qui met dedans. Mais Kyrie a été injouable, a été monstrueux. Il marquait quand il voulait. C'est ouf que ce type soit idiot parce que c'est un basketteur de folie en fait. Idiot, je sais pas, mais on peut parler des fois de gâchis dans ses choix de carrière, dans ses déclarations. Ouais, c'est surtout ses déclats, c'est surtout son mindset, quoi. Mais parce que c'est un basketteur de folie. Il peut marquer, mais quand il veut, sur qui il veut. Il est incroyable. Et là, il a mis l'équipe sur son dos. Déjà, quand il marque les 8 premiers points, bam, bam, bam, là, tu fais ouf, il est chaud, là. Il a l'air chaud, le garçon. Et puis, secondé avec un Tim Hardaway Jr., c'est deux fois à New York. Ouais. Lui, il a mal aussi. Lui, derrière l'arc, 6 sur 13, il tirait, ça m'a rentré. Tant que je gagne, je joue. Défaite finalement de peu, hein, 124-128, qui coupe la série de victoires. On aurait pu être à 6 victoires consécutives. C'est dommage parce qu'on se dit que c'était prenable, on va dire, du score. Mais en même temps, est-ce que les Knicks méritaient de gagner quand ils ont été menés comme ça tout du long? Ils se sont réveillés trop tard et il n'y arrivait plus assez de temps. C'est une défaite logique. Tout à fait logique. Ouais. Au regard de la physionomie du match, on va pas pleurer sur cette défaite parce qu'on méritait pas de gagner. Parce que les 4 points sont en trompe-l'œil. Et le premier match où Jalen Brunson rejoue à Dallas, parce que la saison dernière, il n'était pas actif, il était blessé. Donc voilà, des retours et des retrouvailles un peu manquées pour Jalen Brunson. Il a fait des câlins à tout le monde. Il a fait des câlins à tout le monde, ils étaient contents de le revoir, mais ils étaient contents aussi de repartir avec la victoire. Bon, dommage pour New York, qui met donc un terme à sa série de victoires consécutives, 5. Derrière, déplacement dans le Tennessee. Alors là, il manquait tellement de monde qu'on pouvait se demander qui étaient ces joueurs. Il fallait s'accrocher sur la feuille de match. Ils n'avaient que 9 joueurs à disposition. Il y en a un qui s'est blessé en cours de rencontre. Voilà, donc ça n'aide pas. Et pour autant, le match n'était pas fameux non plus. C'était brouillon des deux côtés. Ouais, mais en face, tu te dis, c'est normal, ils ont une équipe de G-League. Tu te dis, c'est normal en face, il leur manque tout leur titulaire. On s'est mis au niveau. Mais c'était horrible. Mais la première mi-temps, il fallait avoir une bassine à côté pour pas avoir envie de gerber, quoi. C'était, mais. Tu regardais le match, tu te dis, mais attends, mais c'est incroyable. À un moment donné, on a été mené 10 points, quoi. Et là, tu te dis, mais oh, qu'est-ce que. Tom Thibodeau, à la mi-temps, il a dû tous les prendre et les caler contre le mur. J'imagine la scène, quoi. C'est pas possible autrement. On le gagne finalement à la fin, voilà, de quoi on le gagne de 12 points d'écart. Tu gagnes de. 106-94, ouais, 12 Tu points, le gagnes plus 12. de 12 points contre une équipe de G-League, contre Gilliard, contre Roddy, contre Williams Junior, contre Gigi Jackson, contre Conchar. Punaise. Énorme. Le Oh, meilleur ça. marqueur des Grizzlies avait 8,7 points de moyenne. Donc c'est Non, mais. dire l'équipe qui est ravagée par les blessures. Il n'y avait pas de Jaren Jackson Jr., il n'y avait pas de Bane, il n'y avait pas de Ja Morant, ça on le sait, sa saison est terminée. Il manquait énormément de monde dans cette équipe. Alors après, des fois, sur ce genre de match, on a du mal à maîtriser le sujet. Il faut le rappeler aussi, il n'y avait pas de Jalen Brunson, hein, c'est Miles McBride, un Deuce pour les intimes, qui le remplaçait à la main. Il a Il a fait fait ce un qu'il a match pu, il correct. a fait un match plutôt correct, mais on sentait aussi que voilà, il manquait peut-être cette stabilité Et c'est sur le là. poste 1. Et c'est là que tu vois qu'il manque un mec en sortie de banc. Parce que même si Malachi Flynn, qui a eu un peu de temps de jeu, n'a pas été mauvais, il a joué 10 Non, minutes, il a mis il a mis 9. ses premiers Et points. 10 minutes, 9 points, c'est correct en termes de ratio. On l'a pas vu en seconde mi-temps, par contre. Non, il a disparu. Mais parce qu'il. Il a laissé les titus, quoi. Il fallait. T'imagines, sur un match comme ça, Hartenstein, il a 42 minutes. Tu t'imagines? C'est dingue. Achiuwa, lui, Precious. 6 minutes. Pas. Voilà, enfin bref. Je pense que si on peut arriver à gratter aussi à l'intérieur un peu fiable, ça serait pas mal. Mais sinon, Match hormis compliqué quand Hartenstein même. et Hartenstein et McBride qui ont fait le job, parce que Julius, ok, 24 points. 11 rebonds, 5 passes, tout très bien. Ouais, il y a 9 beaucoup de sur pertes de 21 balles. au tir, 9 sur 21 au tir, 1 sur 6 à 3 points, 6 pertes de balles. Non mais de toute façon, la première mi-temps, hein, la première mi-temps est horrible. Enfin voilà, elle est. Ce match était un scandale. On le gagne parce qu'il fallait le gagner, mais en la manière, Dante qui nous avait habitués à mieux, 3 sur 11 à 3 points, ça a pris des 3 points en veux-tu, en voilà. Il nous manque vraiment une force offensive sortie du banc pour arriver justement à nous donner des momentum, quoi. Parce Bah là, que. on l'a vu sur ce match, il n'y avait pas Brunson, donc McBride était en titulaire. Beaucoup de pertes de balles, trop de pertes de balles. Tu dis 10 pour Julius, bon, on sait que Randle, avec ses prises à 2, 22! 3, il a toujours tendance à en perdre beaucoup. 22 en collectif, donc presque la moitié des pertes de balles. En Mais parce face que si le 12! jeu passait sur lui, le jeu passait sur lui, donc en face, bah, ça défendait dessus. Mais oui, beaucoup de pertes de balles qui font qu'à chaque fois, bah, on redonnait soit aux Grizzlies de quoi faire un écart ou recoller au score. Un Heureusement match, qu'on les a voilà. défoncés au Enfin. rebond. Tu vois, 56 rebonds à 35. Heureusement qu'on les a défoncés au rebond. Que ça nous a donné ça nous a donné des chances. Mais parce que sinon, Pas ce fameux match, c'est ce match-là. une Après, il faut purge. savoir des fois gagner des matchs, des dirty games, pas avec la manière. A win is a win, comme ils disent là-bas. Effectivement, à la fin de la saison, on ne se rappellera plus forcément de la façon dont on a gagné ce match, mais on le verra dans le bilan comptable, dans la colonne des W. Mais voilà, pas fameux. Une semaine avec trois matchs, un bilan de 2-1, une victoire à l'extérieur, une défaite à l'extérieur. Ça aurait pu être un 3-0. Bon. On s'en sort pas si mal dans une conférence S qui est plutôt compétitive. Il fallait le prendre et on l'a pris. Maintenant, dans cette petite semaine qui n'était pas fameuse, qui est-ce qu'on va désigner comme Nick of the Week? Voyez, Jalen Brunson blessé, il a fait que deux matchs sur trois, il en a fait un où il est passé à côté. Ça sera clairement pas lui, même s'il était joueur de la semaine selon la NBA la semaine d'avant. Julius Randle, il a fait du Julius avec du bon Julius et du moins bon Julius. Hartenstein. Qui continue sur sa lignée. Non, cette semaine, encore une fois, en ce début d'année 2024, pour l'épisode 74, on a décidé d'innover un petit peu. D'innover, pourquoi? Bah, parce qu'il y a un joueur qui s'est montré tout de même, qui a eu quelques responsabilités. Et ce joueur, c'est qui? C'est qui? Ce joueur, c'est Miles McBride, Deuce, effectivement, qu'on a Le décidé petit. de mettre en avant cette semaine. C'est l'employé de la semaine. Parce que tout simplement, que depuis le départ de Quickley, depuis aussi la blessure de Jalen Brunson, bah, il apporte des choses. Alors ça restera encore un joueur plutôt de rotation, Ça n'a pas vocation à être un titulaire. Il est assez petit aussi, mais présent en défense. Il s'achète petit à petit un shoot à 3 points. Et c'est pas plus mal. Donc il y a eu quelques petits cartons offensifs qu'il faut relativiser. Hein. On va pas faire des records en carrière à 50 points. Mais une belle présence et on souhaitait la suivre sur cette semaine. Lui est le grand gagnant du trade RJ Barrett Quickly. Avec Grimes peut-être qui a retrouvé quelques couleurs. Ouais, mais attends, ouais. Grimes il jouait. Deuce McBride avant le trade, d'accord. C'est sur les 28 matchs, il en joue 18 pour 4,6 minutes de moyenne, d'accord. C'est pas beaucoup. 1,9 points, enfin voilà, des stats insignifiantes. Le trade se passe, et là, donc, on se retrouve avec un McBride qui, je vais te donner ses stats depuis le trade, et tu vois, c'est pour ça que je te dis que c'est le grand gagnant. Déjà, depuis le trade, eh ben, c'est 8 matchs joués, d'accord. Qui est relatif. 16 minutes de... Pas 16 matchs, 8 matchs. 8 matchs joués, 16,5 minutes de moyenne. Donc t'imagines, Brunson qui a beaucoup de temps de jeu. On était à 4,5, on passe à 16,5 minutes. 51% à 3 points. Hey. Tu vois, il en prend 4, il en met 2. Et puis donc pour une moyenne de 8,5 points, 2 passes. Très bien. Puis un apport défensif ouais, sur la ligne arrière. Un apport défensif. Donc voilà, il n'aura peut-être pas l'occasion de rebriller à nouveau, il n'aura peut-être pas l'occasion d'avoir nos félicitations de la semaine. Mais voilà, sur on souhaitait souligner ce bon petit passage. Bien sûr, on a besoin d'un Brunson. Sur les 8 matchs, tu vois, sur les 8 matchs, il en dépense 3 de 10 points. Il fait un match à 15 points contre Philadelphie, on s'en rappelle. Il fait un match à 16 points contre Portland et un match à 19 points contre Memphis. Écoute, pour l'instant, en tout cas, évidemment, je pense qu'il nous faut un joueur avec plus de bouteilles et une capacité justement à se créer son shoot, ce que n'a pas encore McBride, qui est plus, lui, il va plus finir les actions, ça va libérer à la fin un spot et c'est lui qui y est. Il n'a pas encore cette capacité par son dribble à finir tout seul. Mais en tout cas, pour ce qu'on lui demande, il le fait bien. Il fait le boulot et voilà, on souhaitait rapport à ça. C'est un bon gars, un mec qui n'a jamais rien lâché. Comme tu dis, c'est un bon défenseur. Franchement, c'est un très bon défenseur. Hier, quand on a choisi, tu vois, on ne s'est pas concerté, du moins. Tu me dis, tu penses à qui? Je t'ai dit, à McBride. Je lui ai dit, pareil. Tu vois, c'est. ça sautait au truc, quoi. Donc, voilà. On regarde cette semaine et de la façon dont il a été utilisé, de ce qu'il montre. C'est plutôt pas mal. Donc, continue comme ça, Deuce. T'auras pas forcément un temps de jeu qui va exploser. Mais voilà. On risque de compter sur toi. Et on sent que c'est un petit jeu. On sait pas si tu vas aussi finir la saison avec Linux. Mais en tout cas, au moins, tu auras rapporté ça. Au moins, tu auras eu ton petit passage. Voilà. Bon, ça, c'était pour la semaine dernière. Maintenant, il va falloir qu'on regarde ce qui se présente pour cette semaine. Donc, on ne perd pas plus de temps. Il y avait 3 matchs. Je crois qu'il y en a 4 cette semaine. Allez, on regarde tout ça. On regarde le programme des Knicks sur la semaine qui vient. C'est parti. Une petite lichette pour repartir pour une nouvelle semaine. Après quelques matchs on road, c'est une semaine complète qui s'annonce au Madison Square Garden. Les Knicks ont joué beaucoup de matchs à l'extérieur. Il va falloir rééquilibrer un petit peu tout ça. Et cette semaine, c'est 4 matchs au Madison Square Garden. La maison. J'ai envie de dire, la plus belle salle du monde. Allez, ouais. 4 matchs, dont un match qui commence ce lundi pour le MLK Day, la réception du Orlando Magic. Le Magic avait battu les Knicks en Floride. Il va être l'occasion de prendre la revanche, peut-être. Bah, Evan Fournier Game, je suis pas sûr. le match de retour de Jalen Brunson, ça serait mieux. Mais voilà, il y a une équipe qui a fait un bon début de saison, qui est actuellement classée 8e, donc juste derrière les Knicks. Donc il serait bon ton de gagner contre cette équipe et de prendre sa revanche. Voilà, hein, Paolo Banchero, c'est très bien. Les frères Wagner, c'est pas mal. Jalen Suggs, c'est ça, Jalen c'est Jalen Suggs, aussi. Ouais. Cole Anthony, il connaît New York. Mais à un moment donné, si on s'appelle New York Knicks et qu'on joue au Madison Square Garden, pour le MLKD, faut gagner ce match. Hein, moi, j'ai envie de dire, il n'y a que ça à faire. Surtout qu'il y a concurrence dans la conférence Est. Derrière, un peu plus tard dans la semaine, et tu vas nous redonner les... Ou tu peux peut-être nous le dire maintenant, c'est comme tu veux. La tendance du Magic avant de les affronter. Déjà, le Magic nous avait un petit peu fait mal à cause de Franz Wagner. Il ne jouera pas ce match. Pour l'instant, avec Gary Harris et Wendell Carter Jr., il est listé out. Donc c'est quand même c'est quand même un joueur important chez eux qui va manquer. Ils sont clairement sur une dynamique beaucoup moins bonne. Hein. Là ils sont sur 3 défaites d'affilée. Minnesota, Miami. Ce match je l'ai regardé très sympa qui s'est fini 99-96 mais Miami au métier le fait et ils perdent contre Oklahoma City mais qui ne perd pas contre Oklahoma City en ce moment. Donc là, ils sont sur 3 défaites consécutives et ils sont sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur les 8 derniers matchs, ils sont sur un 2-6. Donc la tendance n'est pas terrible. Là, ça fait un moment, là, quand tu regardes la ligne, là, il y a plus de lose que de win. Donc en ce moment, ça ne va pas trop fort. Donc, une équipe peut-être à prendre. C'est un match à gagner. Voilà. Derrière, réception des Houston Rockets. Alors les Houston Rockets, c'est un peu mieux que la saison dernière. Ils ont eu quelques recrutements. Dylan Brooks, Fred Van Vliet, entre autres. Donc voilà, un coach aussi, Ime Udoka. Donc réception des Rockets. Les Rockets, ils sont sur quelle dynamique en ce moment? Les Rockets déjà, sache-le. Parce que c'est vrai qu'on avait tendance à l'oublier. Ils ont Oladipo qui est out. Donc Oladipo. J'avais oublié qu'il était rendu là-bas, dans l'effectif. Qu'il soit out. Est-ce que c'est une surprise? Ça fait un bon moment qu'il enchaîne les pépins physiques, mais il est rendu là-bas, d'accord. Alors, sur leurs 5 derniers matchs, ils sont sur une dynamique de 2-3. 2 victoires pour 3 défaites. Les victoires étaient contre Milwaukee et Détroit. Bon. Et les défaites, c'est la dernière en date, c'est une énorme branlée contre Boston, 145-113. Ils perdent en overtime contre Chicago et contre Miami. Tu vois, Miami, à chaque fois, ils sont là. Hein. Ils vont, avant nous, ils vont jouer Philadelphie. Donc là encore, match pas évident pour eux. Et ils nous enchaîneront derrière. Quand je dis nous enchaîneront, ce ne sera pas en back-to-back. Hein. Ils nous enchaîneront 3 jours après. Voilà. Donc, ils peuvent être sur... concrètement, ils peuvent être sur 2 défaites d'affilée, sur 2 défaites sales en plus. Donc, attention, les Houston Rockets. Voilà, il serait aussi de bon ton côté New York de remporter ce match. Un autre match qu'on aimerait voir New York remporter, c'est la réception des Washington Wizards. Donc là, on sera en back-to-back. Il y a un match dans la nuit de mercredi à jeudi, un match dans la nuit de jeudi à vendredi. Réception des Wizards. Les Wizards, on les a battus chez eux. Oui, c'était à Washington. Le fameux duel entre Julius Randle et Kyle Kuzma. Bon, Kyle Kuzma qui était plutôt bon sur son match. 121-105, on rappelle. Jordan Poole un peu moins bon. Hein, mais voilà, au rayon aussi des rumeurs, il y a un certain Daniel Gafford qui pourrait intéresser New York, on ne sait pas. Bref, à voir. Tyus Jones aussi. Washington, c'est clairement une équipe qui truste le bas de tableau. Ça, c'est pareil. Ils sont sur 7-31, hein. C'est un match qu'il faut aller gagner, enfin qu'il faut gagner à la maison, ça serait vraiment un faux pas. Et tu dis sur 7-31, ça c'est le bilan, donc oui. Voilà, on va pas s'attarder trop dessus. Et puis peut-être le match le plus attendu de la semaine. Ouais, ils sont sur un 1-4, voilà. Ils ont gagné Atlanta la nuit dernière. Ils ont gagné, et puis ils les ont lavés comme il faut. Hein. Ça fait plaisir. 127-99. Et mais après sinon c'est branbran sur branbran. Voilà, c'est le cirque dans la capitale. Alors avant nous, il va y avoir quand même le beau merdico, c'est-à-dire qu'ils vont affronter les Detroit Pistons. Peut-être qu'ils auront une victoire. Aujourd'hui, à MLKD, à l'antenne nationale, on va avoir droit à Detroit Pistons Washington Wizards. Alors ça va être beau. Déjà, je me suis fait, moi, la dernière fois, histoire de me rappeler un peu, je me suis fait Spurs Detroit. Ben là, écoute, là, le Detroit Washington va être sympa à regarder aussi. Genre de match qui finit en prolongation, sympa. Ouais, bon, c'est le match, bon, en fait, où personne ne gagne, quoi. On fera l'impasse, un match nul. Et non, par contre, le match qu'on risque d'attendre, le match qui est peut-être le match de la semaine, c'est la réception des Toronto Raptors dans la nuit de samedi à dimanche. Retour de RG, retour de IQ, on aura sûrement des petites vidéos pour, c'est sûr. Pour se rappeler au bon souvenir de leur passage à New York. Est-ce qu'on va avoir un RG Barrett game? Et dans ce cas-là, quel type de RG Barrett game on a? Ou est-ce qu'on aura un RG Barrett à 4 points, comme il l'a fait sur son dernier match? Après la sortie de Melo, à voir. Mais en tout cas, voilà, ça va être un match forcément attendu avec des émotions. Également, les retrouvailles de leurs anciens coéquipiers concernant Malakai Flynn, Precious Achiuwa et Oji Anunoby. Voilà, Toronto, pardon, qui est derrière dans le classement, derrière les Knicks, qu'on a envie de garder dans le rétro. Voilà, ça c'est ils pareil, sont, c'est un concurrent de la conférence. Avec un bilan de 15-24. 15-24, c'est un peu mieux, hein, même s'ils se sont accrochés sur certains matchs et ils se sont peut-être fait voler certains matchs par quelques décisions arbitrales, on ne sait pas. La sauce prend plutôt bien avec leur nouvelle recrue, même si RG fait du RG, à savoir de l'irrégularité, de l'inconstance. Mais Quickly a trouvé sa place en tant que meneur titulaire, donc ça sera marrant de voir face à un Jalen Brunson ce que ça peut donner. Ils se sont joués forcément à l'entraînement, mais là, en réel, à voir ce que ça donne. D'habitude, on se pose la question, quel est le match le plus attendu de la semaine? Je pense que là, on peut juste s'accorder à dire que c'est celui-ci, non? Juste pour te dire, ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, c'est celui-là. C'est sûr, c'est celui-là. Et donc, si... Par contre, à l'intérieur, ils ont Jakob Poeltl qui s'est blessé. C'est pas rien, c'était quand même leur pivot titulaire. Je sais pas si Otto Porter Jr. avait beaucoup joué cette saison avec eux. Mais clairement, Jakob Poeltl est leur grosse blessure. D'ailleurs, je crois qu'il va être blessé pendant un long moment. Et actuellement, ils avaient bien débuté, hein, RG et RG IQ. Et ils avaient débuté par deux victoires. Et là, tu vois, ça s'est un peu calmé. Ils sont sur trois défaites consécutives. Aussi, il faut voir qu'ils ont été en road trip quasiment tout le long. Depuis qu'ils sont arrivés quasiment avec les Toronto Raptors, ils sont en road trip. Et là, donc, ils ont perdu à Los Angeles contre les Lakers, à Los Angeles contre les Clippers. Et ils se sont fait laver contre Utah. Voilà. Avant nous, ils vont jouer Boston, Miami et Chicago. Y a peut-être donc, moyen. grosse semaine et grosse semaine. Donc, un back-to-back Miami-Chicago. Donc, grosse semaine pour eux aussi. Ils vont peut-être arriver un peu fatigués. Je pense que nous, on a peut-être une semaine. Ah, j'allais te dire. Non, elle est un peu pareille. Mais elle, un back-to-back au milieu de la semaine, c'est à la maison. Donc, c'est mieux de faire un back-to-back à domicile. Oui, ils ont. Ouais. Et si donc, on assure sur certains matchs, il y a peut-être moyen de reposer un petit peu, de faire tourner l'effectif. On verra comment ça se goupille. Mais en tout cas, c'est pour nous le match le plus attendu de la semaine, de par les retrouvailles et au niveau de la confrontation. Même si la réception du Magic pour le MLKD, c'est un match qui, sportivement, vaut aussi son intérêt. Ouais, mais plus émotionnel, contre Toronto. Émotionnellement, ça va être les Toronto Raptors. Émotionnellement, c'est clairement. Celui-là qu'on va pas vouloir louper. Bon, non. On va se lancer sur le jeu des pronos. Écoute, comme j'ai été vainqueur, comme j'ai honneur. Gagné, alors j'ai le 2-1, mais hein, j'avais pas pronostiqué la défaite t'as le 2-1, à Dallas. Mais j'ai le 2-1. Hein, comme tu dis, à la fin, le bilan, on regarde pas contre qui t'as gagné, t'as perdu. Hein. T'as le tout bilan. À fait. Donc sur cette semaine, je vais me lancer sur le prono. Écoute, je vais faire une Choubix de la semaine dernière. Moi, je vais faire un 4-0 cette semaine. Oh. Voilà, on a gagné face à Memphis. On relance une série de victoires. 4-0, Orlando, il y a une revanche à prendre. Qui est questionnable là, pour ce soir. Hein. Ouais, mais Miles McBride, il est joueur de la semaine pour nous, donc il va falloir que... Donc non, voilà, très questionable, des fois on sait aussi ça revient. C'était peut-être ménagé au regard de Memphis en c'est disant possible, ça le fait. Je pense qu'il va jouer. Là, il y a intérêt et on espère le retrouver en tenue. Mais voilà, 4-0, hein, je vais pas faire plus que ça. Effectivement, le dernier match, s'il y avait peut-être un 3-1 à donner, ça aurait été vis-à-vis de Toronto. Les deux autres, Houston, pardon, Houston Rockets et Washington, ça doit se gagner. C'est même pas. Et voilà, ça serait un faux pas de perdre contre ces deux équipes. Par contre, là où il y a peut-être rivalité, là où il y aura de l'émotion, là où il y aura des perfs qui seront peut-être un petit peu différentes, ça sera pour la réception des Raptors. Forcément, Quickley, forcément, Barrett vont cocher ce match. OG aussi, même si voilà, il n'y a peut-être pas autant d'émotion pour retrouver son équipe. Là, les deux autres, les deux RGIQ vont venir regarder, ils vont avoir l'honneur Et de IQ tester plutôt le pas mal. vestiaire visiteur. Donc, ouais, c'est celui-là qui risque d'être très disputé, je pense. Mais moi, j'ai envie de voir ce 4-0. C'est mon prono pour cette semaine, j'espère avoir bon. Toi, tu pars sur quoi? Bon, tu veux que je te spoil la semaine ou pas? Je peux Vas-y, te. vas-y. J'ai l'almanach des sports, donc je peux te le dire. Alors écoute, le Orlando Magic, on le prend. Ce soir, on le prend. On le prend, mais pas sur un gros écart. On le prend sur un plus 6, tu vois, un truc comme ça. C'est bien, c'est bien. Ah, Houston, on le perd. Oh. Clairement, il y a des match-ups qui ne nous sont pas favorables. Notamment, Alperen Şengün va nous faire, mais tellement mal. Joueur de la Et semaine, joueur de la semaine. ils ont une équipe, je trouve, qui est calibrée pour nous taper. Et je vais te dire, si Orlando avait Franz Wagner, je les aurais donné gagnants aussi. Donc, ça nous aurait fait deux Oh. victoires, deux défaites d'affilée, tu vois. Bon, là, on reprend Orlando, on perd contre les Houston Rockets, on perd, et puis on perd de 12 ou 14 points. Alors, tu vois, je te donne tout, je te donne tout, J'aime pas je ça, te j'aime pas ce que donne tu nous annonces. tout. Maintenant, Washington, bon, formalité un peu comme Portland, on va les laver comme il faut. Et Toronto Raptors. Alors, ça va être un match de tous les défis. OG va se donner un malin plaisir à contrer RG dès qu'il va vouloir rentrer et à prendre des claques. Il va prendre des claques. IQ va nous faire mal parce que justement, quand on aura cette seconde unit, il va nous faire assez mal avec ses 3 points. David, maintenant, sa nouvelle célébration, là, comment il fait? Bref. Mais on le gagne. Mais on le. Au forceps! Au forceps, on le gagne. Donc on est En sur un prolongation. 3-1. 3-1. Ok, c'est pas mal aussi, 3-1. C'est pas mal. Et donc on perdrait contre la seule équipe de l'Ouest, pardon, selon toi. Ok, on verra, on verra. Et Hartenstein, si je dis pas de bêtises, il n'est pas passé un peu par Houston? Si, au tout début de sa carrière, Ah. je crois qu'il a Voilà. commencé là-bas, je crois. Voilà. Donc Şengün, il va le contrer comme il contre n'importe quel intérieur Ah et ben, extérieur. ça, ah, je t'ai Voilà, pas hein, dit donc. qu'il allait pas le contrer. Blockenstein quoi. Non mais il est Joueur de la sûr qu'il va. semaine ou pas, voilà, il aura sa mission et Bien sûr qu'il va le ça sera sur contrer. son poste, donc Bien sûr qu'il va le ok. contrer. Mais je trouve que cette équipe, tu vois, avec justement Jalen Green, avec qu'ils ont, tu vois, quand tu regardes Brooks, Dylan Brooks. dans leur team, ils ont, ouais, alors, ils ont Smith Junior, donc quand même un beau gars, une belle raquette avec Şengün, Van Vliet à la main, Jalen Green, C'est vrai Jason que Tate, le un duel sorti. Fred Van Vliet avec Jalen Brunson, on a un peu une histoire de joueur miroir l'un en face de Un l'autre. sorti de Ça va être banc, intéressant à voir. ils ont un Jeff Green qui amène toujours, ils ont un Cam Whitmore, ils ont le petit Amen Thompson. Ah, donc je te dis, tu vois, Ok, et ok, pourtant, ok, ok. ils ont Tu gagné préviens les de gens, juste. tu préviens les gens. Ils ont gagné de justesse contre les Detroit Pistons parce que heureusement que Kevin Knox a sorti un très grand match. Parce que sinon, les Pistons coulaient, mais Kevin Knox était là pour ramener ses 19 points. Mais non, je trouve qu'ils ont une équipe pour vraiment nous embêter, pour rester poli. Ah, tu l'as dit, ils ont battu les Bucks il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est une équipe à prendre au sérieux. C'est clairement pas les Je les Rockets sens de la pas, eux. saison dernière, Je les sens pas. mais j'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. T'as pas Bon, peur? on verra. T'as En tout cas, raison, Rocky. dites-nous en commentaire quel est votre pronostic pour cette semaine. 4-0, 3-1, 2-2, enfin, ce que vous voulez. On verra tout ça. On débriefera ça ensemble lundi prochain sur KNFTV pour le 75e déjà épisode. N'oubliez pas la viewing party en fin de mois. Et juste pour te dire que quand même, on n'affronte aucune équipe qui est en positif. Avec un bilan Ah positif. si, si, si, si, pardon. Orlando. Orlando. Orlando est en positif, mais à 21-18. Mais sinon, Houston Rockets est à 19-19. Les Toronto Raptors sont en 15-24. Et les Washington Wizards sont en 7-31. Donc on Donc. se doit de gagner ces matchs. Oui, monsieur, on se doit. On verra ce que Tom Thibodeau va réussir à faire. Est-ce qu'il va passer à 504 victoires en carrière après cette semaine? Est-ce qu'il y en aura un petit peu moins? Tout ça, vous le saurez dans l'épisode 75 de Avenix Week. la semaine prochaine. KNF TV, lundi prochain. D'ici là, on va vous souhaiter une très très bonne semaine. Portez-vous bien. Puis désolé. Désolé à tous de vous avoir spoilé la semaine. Voilà, je... pardon. Il y a un jeu, donc je suis obligé de participer. 4-0. 4-0. Bilan, lundi prochain, 18h30 sur KNF TV. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous. Et let's go, Knicks. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. À bientôt. Bonne semaine.